La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Poussiel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 17. Les mages viennent voir et adorer une seconde fois l'enfant Jésus. Ils lui offrent leurs présents, et après avoir pris congé, ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Les trois rois sortirent de la grotte où ils étaient entrés par le chemin le plus direct, pour aller reposer dans une des hôtelleries de la ville de Bethléem, et s'étant retirés tout seuls dans un appartement, ils passèrent la plus grande partie de cette nuit à s'entretenir avec une abondance de soupirs et de larmes, de ce qu'ils avaient vu, des effets qu'ils avaient ressentis, et de ce qu'ils avaient remarqué en l'enfant Dieu et en cette très sainte mère. Dans ce dévot entretien, ils s'enflammèrent davantage du divin amour, et ne cessaient d'admirer la majesté et la splendeur de l'enfant, Jésus, la prudence, la gravité et la modestie incomparables de la divine mère, la sainteté du bienheureux époux Joseph, leur extrême pauvreté, et la bassesse du lieu où le Seigneur du ciel et de la terre avait voulu naître. Ces rois sentaient une divine flamme qui embrasait leur cœur, et ne pouvant contenir leur délicieux transport, ils exhalaient ensemble les doux sentiments de vénération et d'amour dont les pénétrait ce mystère. Ils disaient : Quel est le feu qui nous anime ? Quelle efficace est celle de ce grand roi, qui excite en nous de tels désirs et de telles affections? Que ferons-nous pour vivre encore au milieu des hommes? Comment pourrons-nous retenir nos larmes et nos soupirs? Comment devront se comporter ceux qui ont connu un mystère si nouveau et si sublime? Aux grandeurs du Tout-Puissant caché aux hommes, Ésaïe 45, 15, et renfermé dans une si grande pauvreté. Ô humilité qui n'aurait jamais pu être imaginée des mortels! Qui pourrait vous attirer tous dans ce saint lieu, afin que personne ne fût privé de ce bonheur? Dans cette divine conférence, les mages se souvinrent des grands besoins de Jésus, Marie et Joseph dans la grotte, et ils voulurent aussitôt leur envoyer quelques présents pour leur témoigner leur tendre affection, et satisfaire jusqu'à un certain point le désir qu'ils avaient de leur être utile, tant qu'ils ne pourraient pas faire davantage. Ils leur firent donc remettre par leurs serviteurs plusieurs de leurs provisions, qu'ils joignirent à d'autres qu'ils se procurèrent. L'auguste Marie et Joseph les reçurent avec une humble reconnaissance, mais leurs remerciements ne consistèrent pas, suivant l'usage ordinaire, en des actions de grâce stériles, mais en beaucoup de bénédictions efficaces qui remplirent les trois rois de joie spirituelle. Grâce à ce secours, notre grande reine eut de quoi régaler les pauvres ses conviés habituels, qui, étant accoutumés à ses aumônes, et encore plus attirés par le charme de ses paroles, la visitaient souvent. Les mages, pénétrés d'une consolation divine, prirent leur repos, et l'ange les avertit dans un songe de la route qu'ils devaient prendre. Le jour suivant, ils retournèrent dès l'aube à la grotte de la Nativité pour offrir au roi céleste les dons qu'ils avaient apportés. À peine arrivés, ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent avec une très profonde humilité. Puis ouvrant leur trésor, comme dit l'Évangile, ils lui présentèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Matthieu 2, 11. Ils s'adressèrent à la divine mère, et la consultèrent sur plusieurs choses qui regardaient les mystères de la foi, leur conscience et le gouvernement de leurs états, car ils souhaitaient de s'informer de tout avant que de partir, pour régler leur conduite sur la plus grande perfection. L'auguste princesse les écouta avec beaucoup de complaisance, et, lorsqu'ils lui proposaient quelques doutes, Elle demandait intérieurement à son adorable fils ce qu'elle devait répondre et enseigner à ses nouveaux enfants de sa sainte loi. Et elle résolut, comme maîtresse et comme organe de la sagesse divine, toutes leurs difficultés d'une manière si sublime, elle les instruisit et les sanctifia avec tant d'efficace, que, ravis et charmés de la science et de la douceur de notre aimable reine, ils ne pouvaient s'en éloigner, de sorte qu'il fallut qu'un ange leur dît que c'était la volonté du Seigneur qu'ils retournassent en leur pays. On ne doit pas être surpris de cela, car ils furent, par les paroles de la Sainte Vierge, éclairés du Saint-Esprit et remplis d'une science infuse en tout ce qu'ils lui proposèrent et en plusieurs autres matières. La Divine Mère reçut les dons des rois, et les présenta à l'enfant Jésus en leur nom. Et Sa Majesté témoigna par un sourire qu'elle les acceptait avec complaisance. Elle leur donna sa bénédiction d'une certaine manière, dont les rois purent s'apercevoir, comprenant qu'elle la leur accordait pour les présents qu'ils venaient de lui offrir, avec une abondance des faveurs célestes à plus du centuple. Matthieu 19, 29. Ils présentèrent à la divine princesse plusieurs joyaux d'un prix fort considérable et qui étaient d'usage dans leur pays. Mais, comme ces objets n'avaient point trait au mystère, elle les rendit au roi, et ne voulut conserver que les trois dons symboliques de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et, afin qu'ils s'en retournassent avec plus de consolation, elle leur donna quelques-uns des langes qui avaient servi à l'enfant Dieu, n'ayant point d'autres gages sensibles dont elle les put enrichir avant leur départ. Les trois rois reçurent ces reliques avec tant d'estime et de vénération, qu'ils les firent garnir d'or et de pierres précieuses, et les conservèrent avec une très grande dévotion. Il en sortait, en témoignage de leur excellence, une odeur si agréable et si pénétrante, qu'on la sentait presque à une lieue de distance. Avec cette particularité pourtant qu'elle ne se communiquait qu'à ceux qui avaient foi en la venue de Dieu sur la terre, car les autres qui n'y croyaient pas n'avaient aucune part à cette odeur céleste des précieuses reliques, par le moyen desquelles les mages firent de grands miracles en leur pays. Ils offrirent aussi à la mère du très doux Jésus leur service, leur revenu et tout ce qu'ils possédaient, lui disant que si elle préférait demeurer en ce lieu de la naissance de son très saint fils, il lui ferait bâtir une maison où elle trouverait plus de commodité. La très prudente mère les remercia de toutes ses offres, sans qu'elle en voulût accepter aucune. Ensuite les rois la supplièrent instamment de bien vouloir ne pas les oublier, et c'est ce qu'elle leur promit et exécuta avec beaucoup de charité. Ils demandèrent la même chose à Saint Joseph. Et après avoir reçu la bénédiction de Jésus, de Marie et de Joseph, ils leur firent des adieux si affectueux et si tendres, qu'il semblait que leur cœur dût entièrement se fondre en soupirs et en larmes dans ce saint lieu. Ils résolurent enfin de partir et de prendre un autre chemin que celui de Jérusalem pour éviter la rencontre d'Hérode, comme l'ange les en avait avertis cette même nuit pendant leur sommeil, Matthieu 2, 12, et, au moment où ils sortirent de Bethléem, la même étoile ou peut-être une autre leur apparut, et les conduisit par une route différente jusqu'à l'endroit où ils s'étaient rejoints. Et là ils se séparèrent pour retourner chacun dans ses états. Tout le reste de la vie de ces fortunés rois répondit à leur divine vocation, car ils agirent comme disciples de la maîtresse de sainteté, gouvernant selon sa doctrine et leurs âmes et leurs sujets. Ils convertirent un grand nombre de personnes à la connaissance de Dieu et au chemin du salut par leurs bons exemples et par les preuves qu'ils leur donnèrent de l'avènement du Sauveur du monde. De sorte qu'ils achevèrent leur course en toute sainteté et justice, remplis de jours et de mérites, et favorisés pendant leur vie et en leur mort de la mer de la miséricorde. Après que les rois furent partis, notre divine dame et son saint époux Joseph se mirent à chanter de nouvelles hymnes de louange pour remercier le Très-Haut des merveilles qu'il venait d'opérer. Il les confrontait avec les saintes écritures et avec les prophéties des patriarches. Et ils voyaient avec une joie inexprimable que leurs prédictions commençaient à s'accomplir en l'enfant Jésus. Psaume, Ésaïe, Nombre, etc. Mais la très prudente mère, qui pénétrait profondément ces sublimes mystères, les conservait dans son cœur et les repassait souvent dans son esprit. Luc 2, 19. Les anges, qui assistèrent à toutes ces merveilles, félicitèrent leur reine de ce que son très saint fils était connu et adoré des hommes, et chantèrent de nouveaux cantiques à sa divine majesté incarnée pour la glorifier des miséricordes qu'elle opérait en faveur des hommes. Instruction que me donna l'auguste reine du ciel. Ma fille, les dons que les mages offrirent à mon très saint fils étaient grands, mais l'affection avec laquelle ils les faisaient et le mystère qu'ils annonçaient était encore plus grand. C'est pourquoi ils furent très agréables à sa divine majesté. Pour vous, ma bien-aimée, je veux que vous lui offriez d'amoureuses actions de grâce de ce qu'il vous a fait pauvre par votre état. Car je vous assure que le don que le Très-Haut estime le plus est la pauvreté volontaire, puisqu'on en trouve très peu aujourd'hui dans le monde qui fasse un bon usage des richesses temporelles, et qui les consacre à leur Dieu avec la même générosité et la même affection que ses saints rois. Les pauvres du Seigneur, dont le monde est plein, expérimente et atteste combien la nature humaine est devenue avare et cruelle, puisqu'au milieu de tant de nécessiteux, il y en a si peu que les riches soulagent dans leur misère. Cette dureté odieuse des hommes blesse les anges et contriste le Saint-Esprit, en prouvant que les âmes sont tellement dégradées, avilies, dégénérées, qu'elles ne rougissent pas d'user toutes leurs forces et toutes leurs facultés à la honteuse poursuite des biens périssables. Ecclésiaste 10, 19. Et ces gens-là s'approprient les richesses comme si elles n'étaient que pour eux. Ils en refusent la moindre part aux pauvres, leurs frères par la communauté d'origine et de nature, et les disputent de même au Dieu qui les a créés, qui les conserve et qui peut les donner et les ôter selon sa volonté, 1 Rois 2, 7. Et ce qui est le plus déplorable, c'est que lorsque les riches peuvent acheter la vie éternelle par les biens passagers, Luc 16, 9, ils s'en servent comme des insensés, pour se procurer leur propre perte par le mauvais usage qu'ils font des largesses du Seigneur. Cette stupidité désastreuse est générale parmi les enfants d'Adam, et c'est pour cela que la pauvreté volontaire est si excellente et si assurée. Mais quand dans cette pauvreté on partage avec joie le peu que l'on a avec le pauvre, alors on fait un grand présent au Seigneur de l'univers. Vous pouvez le lui faire, ma fille, en donnant à l'indigent une partie de ce que vous avez pour votre entretien, et en souhaitant de soulager tous les pauvres au prix de vos travaux et de vos sueurs, si la chose était possible. Mais votre offrande continuelle doit être lors des œuvres de l'amour, l'encens d'une fervente prière, la mire d'une patience inaltérable, et d'une véritable mortification en toutes choses. Et vous offrirez avec une ardente et prompte affection, sans tiédeur ni crainte, tout ce que vous ferez pour le Seigneur, car les œuvres lâches ou mortes ne sauraient être un sacrifice agréable aux yeux de Sa Majesté. Pour offrir sans cesse ces dons de vos propres actions, Il faut que la foi et la lumière divine brillent toujours dans votre cœur, pour vous montrer l'objet que vous devez louer et glorifier. Il faut aussi obéir constamment à cet aiguillon de l'amour dont vous presse sans relâche la droite du Tout-Puissant, afin que vous n'interrompiez jamais ce doux exercice, si propre aux épouses de sa divine majesté. Puisque le titre d'épouse renferme l'obligation d'un amour et d'une affection continuelle. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Poussiel Gurus en 1857.